4. En 709, Albert ou Aubert, 12e évêque d'Avranches, n'avait pas encore atteint sa 60e année. Depuis cette date, son nom est illustre dans l'univers chrétien et inséparablement uni au nom de l'archange Saint-Michel, mais auparavant il était déjà très considérable dans cette portion de la Neustrie comprenant l'Avranchin et le pays Constantin, le Cotentin. Il appartenait à une famille noble et très riche. Ayant perdu son père et sa mère et restant tout jeune qu'il était à la tête d'un opulent patrimoine, il dut être en butte assurément aux séductions intéressées du monde demi-barbare qui l'entourait. On ne sait rien de sa jeunesse, sinon qu'une vocation forte et précoce le sauvegarda. Il fut prêtre de bonne heure, une légende qui fait confusion peut-être entre lui et Michel, son patron angélique, le montre combattant un dragon dévastateur, mais il faut dire que ce fait, si commun alors et dont la répétition étonne dans les vieux récits, était la plupart du temps une louange allégorique décernée à ceux qui débarrassaient le sol des dernières souillures du paganisme, représenté par le dragon, image de Satan. Aubert fut élevé à la dignité d'évêque en 704. Il y avait 5 années qu'il était à la fois le maître et le bienfaiteur du pays quand arriva l'événement, si gros de résultats extraordinaires, rapporté par tous les historiens et par nombre de manuscrits ayant appartenu à l'antique abbaye, déposé maintenant en la bibliothèque d'Avranches. Nous choisirons pour y puiser notre texte le lectionnaire numéro 211, déjà cité par nous, qui est regardé comme étant l'œuvre de l'un des clercs de Saint-Aubert lui-même. La critique historique contemporaine a relevé beaucoup de faits apocryphes, ou du moins qu'elle accuse d'être tels dans ses antiques légendaires. Celui-ci en contient moins que tout autre, selon la moyenne des avis, exprimés par la même critique, et son ancienneté reconnue semble faire foi. Un jour, dit le manuscrit vénérable, que je traduis, comme le pontife Aubert se trouvait plongé dans le sommeil, il fut averti par une révélation céleste de construire sur le sommet du mont Tombe un édifice en l'honneur de l'archange, qui voulait que sa commémoration fût célébrée en péril demeure avec une allégresse pareille à celle dont il était fêté au mont Gargan. Aubert ne crut pas d'abord à la vision. L'apôtre dit « Éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu ». Dans une seconde manifestation, l'archange lui renouvela ses ordres, mais le pontife hésitait toujours. Enfin, une troisième apparition lui commanda impérieusement de se rendre sur la montagne et d'y rester jusqu'à l'accomplissement de sa tâche. On a remarqué sans doute qu'il n'est pas question ici du doigt de l'archange imprimé dans le front de l'évêque, comme dans une sirmole, et qui, s'il est permis d'employer une image moderne, laissa pour jamais une trace comparable au trou d'une balle. Voici le détail de cette circonstance si célèbre, tel qu'il est rapporté par Don Huyn dans le discours mis par lui en la bouche de Saint-Aubert, lui-même, rendant compte de l'apparition à ses chanoines assemblés. Et ne me contentant pas, après le second avertissement, de prier plus fervemment sur ce sujet, je commençais à jeûner, éveillé plus que de coutume, et à sustenter les pauvres avec un soin très particulier, ainsi qu'avaient pu voir les jours passés, espérant que par le moyen de leurs prières, j'obtiens droit ce dont mes péchés me rendoient indigne, un signe sensible de la volonté divine. Enfin, hier, m'étant couché, j'eus beaucoup de peine à m'endormir, la pensée de ces visions précédentes me venant toujours en esprit. Néanmoins, à la parfum, la fatigue du corps assoupit tous mes sens. Estant ainsi endormi, voici que je vis cet archange qui me reprenoit. De mon incrédulité et me blasmant d'être trop tardif à croire, me donna un coup de son doigt sur la teste, dont vous en voyez la marque. Alors, tout tremblant, je lui demandai en quel endroit du monde tombe il désiroit qu'on lui érigeât cet oratoire. Il me dit qu'il voulait que ce fût au lieu où je trouverois un taureau lié, qu'un larron a désrobé naguère et caché en ce mont, espiant l'occasion de le pouvoir mener au loin pour le vendre, et m'a engagé de le rendre à celui auquel il appartient. Quant à la grandeur de l'oratoire, il m'a dit que ce serait tout l'espace que je trouverois foulé des pieds du taureau. Le fait de ce contact matériel et violent du doigt de l'ange a soulevé des discussions très vives et occasionné d'ardentes polémiques. Il est une chose qui ne se peut nier, c'est que le crâne de Saint-Aubert, parfaitement authentique comme relique, et précieusement gardé dans le trésor de l'église Saint-Gervais à Avranches, offre à l'os pariétal droit une ouverture oblongue d'arrière en avant, assez grande pour qu'on puisse y introduire le pouce. Un homme d'une véritable science médicale, le docteur Houssard, après avoir étudié quel procédé aurait pu être employé pour occasionner une ouverture pareille, conclut qu'un miracle seul peut l'expliquer. Nous n'avons pas à nous prononcer. L'ordre ayant été ainsi reçu pour la troisième fois, et accompagné du signe sensible qu'il avait imploré, Aubert n'hésita plus à se rendre sur la montagne désignée. Une multitude de paysans, ses vassaux d'Austériac, de Montitier et de Genet l'accompagnaient en chantant des hymnes et des cantiques. Il se trouva que le lieu indiqué était abrupt et impraticable. Il fallait l'aplanir, et ce n'était point un travail aisé à cause surtout de deux énormes pierres, vraisemblablement druidiques, fichées au sommet même de la montagne. On les attaqua avec vigueur, mais ce fut en vain, elles résistaient à tous les efforts. Ici, Guillaume de Saint-Père a trouvé l'un des épisodes les plus gracieux de son poème dans la légende des 12 fils de Bain, racontée aussi par Don Huyn et les autres chroniqueurs. Ce Bain était un homme d'Austériac, vassal du Saint-Évêque. Une voix lui dit de gravir le mont où son seigneur avait besoin d'aide, et il vint, conduisant l'armée de ses fils, jeunes, vigoureux et de bonne volonté. Les autres travailleurs reprirent courage à la vue de ce brave secours qu'on n'espérait point, et l'assaut fut donné de nouveau aux deux roches, mais toujours inutilement. Alors l'évêque appela Bain, le père, et lui dit « N'as-tu point encore d'autre enfant ?»« Si bien, répondit l'homme, il m'en reste un. Pourquoi ne l'as-tu pas amené ?»« Parce qu'il dort dans son berceau. »« Va donc le quérir sur l'heure, dit Saint-Aubert, et me l'apporte. » Ce qui ayant été fait, Aubert prit le petit Bain entre ses bras et toucha, du bout de son pied sénestre, dit Don Huyn, le plus faible de ses faibles pieds, la roche inébranlable, et par cet attouchement la fit tomber du haut en bas, où on la voit encore aujourd'hui avec l'impression du pied de l'enfant. Don Huyn ajoute cette moralité, mise par lui dans la bouche du Saint-Évêque, que Dieu a élevé les choses infirmes et faibles de ce monde pour confondre les forts et puissants. Une fois le sommet aplani, rien n'arrêta plus les vassaux, dont la constante présence de l'évêque animait le labeur. D'autres ouvriers se joignirent à eux, et au bout de peu de temps, on vit sortir de terre un temple en forme de crypte ronde, sur l'imitation de celui du mont Gargan, mais plus petit et capable de renfermer seulement 100 personnes. Les dimensions en étaient fixées à l'avance par la volonté qui en avait choisi l'emplacement. À ce temple très modeste à la vue, mais de si haute origine, et qui se trouvait être le second de la chrétienté après celui du promontoire d'Apulie, il manquait des gages visibles de la faveur de son patron céleste, dont Aubin recevait sans cesse les inspirations dans la sainteté toujours plus éminente de sa vie. Une pieuse ambassade partit d'Avranches, avec mission de se rendre en Italie pour demander aux religieux qui desservaient la basilique du mont Gargan une parcelle du vêtement écarlate, laissé par saint Michel lors de son apparition, ainsi qu'un fragment du marbre sur lequel il avait daigné se rendre visible. Les clercs ou chanoines députés par Aubert arrivèrent à bon port et furent reçus comme des frères en saint Michel par les religieux italiens qui écoutèrent avidement le récit des récentes merveilles. Tout ce que les clercs demandaient leur fut accordé de bon cœur. Le docte abbé de Glainfeuil, saint Audon, nous apprend même qu'ils eurent plus qu'ils ne demandaient, puisque, outre les reliques, ils rapportèrent de précieux manuscrits. Leur retour à travers l'Italie et la France fut un triomphe, et selon l'apparence, beaucoup plus lent que l'aller, car ils n'arrivèrent en vue du Mont-Tombe qu'un an après leur départ d'Avranches. Tout le long de leur voyage, les populations se pressaient au-devant d'eux, parce que le bruit s'était répandu qu'ils portaient des reliques. À cette époque de foi toute neuve et si belle, la fable de ce Gaulois à La Fontaine n'aurait point eu sa raison d'être. Alors, en effet, l'âne, lui-même, porteur de reliques, obtenait sa part propre et très volontairement accordée de vénération. Qu'était-ce donc quand les objets saints se trouvaient aux mains de personnes revêtues du caractère sacré ? Les foules maintenant se pressent autour des rois quand il y en a, et quand il n'y en a pas, autour du premier tribun venu à qui le hasard de la popularité permet de caricaturer le rôle de roi pour un jour. Lequel vaut le mieux, cependant, même en logique humaine, même en spéculation, bien entendu, de s'agenouiller devant le maître de toutes choses, dont le pouvoir sans borne durera toujours, ou de s'atteler à la carriole dorée d'un bavard qui versera demain dans l'oubli. Tout le long du chemin, les reliques du mont Gargan avaient payé en miracle le fidèle respect des peuples. Le bruit des guérisons obtenues précédait de très loin les envoyés de Saint-Aubert. Quand le cortège arriva à Astériac, en face du mont, le pays entier attendait. Une femme de ce village qui était aveugle et qui avait ouï parler comme tous des grâces répandues par Dieu sur le passage des reliques faisait effort pour s'en approcher le plus possible. Un grand bruit lui annonça le cortège, elle avança encore de quelques pas et tout à coup, poussant un cri, elle étendit ses mains tremblantes en disant « Qu'il fait beau voir, qu'il fait beau voir !» L'évêque était présent, entendit ce cri d'allégresse passionnée que la pauvre aveugle guérie répétait sans cesse, comme si elle eût oublié toute autre parole. De ce cri, le village d'Astériac a pris son nom, et s'est depuis lors appelé Beauvoir. 5. On imagine aisément la joie du saint pontife Aubert en apprenant le succès complet de son ambassade. La traversée d'Astériac au mont par les grèves fut une solennelle procession, attendrie par les récits d'innombrables grâces qui couraient de rang en rang entre les versets des cantiques. Sans tarder d'un jour, Aubert voulut que les reliques apportées de si loin fussent entourées et gardées convenablement. Il établit au mont, qui prit à cette occasion et pour toujours son nom de Mont Saint-Michel, un collège de 12 clercs, dont une et d'autres les appellent chanoines, dont la mission était de chanter nuit et jour la louange de Dieu sous l'invocation de l'archange. Pour dotation, il leur attribua les revenus de deux riches domaines, Genèse et Huisne, qu'il avait hérités de ses aïeux. Il leur donna en outre, mais d'une autre façon, une source vive, car il manquait d'eau potable, et sur le rocher, au milieu des grèves baignées par la mer, l'inspiration de Saint-Michel lui découvrit l'endroit où il fallait percer la pierre pour en arracher une fontaine. La dédicace de l'église eut lieu le lendemain 17e jour des calendes de novembre, 16 octobre, date qui est fêtée encore aujourd'hui et dignement, on peut le dire, depuis que Dieu a permis le retour éclatant de la piété publique au culte de son fidèle, institué protecteur de la France. Aubert, premier apôtre de ce culte dans nos contrées, rendit son âme au Seigneur 15 ans plus tard, le 10 septembre 725. Avant de mourir, il eut la consolation de voir son œuvre, entourée par la vénération du monde entier, exciter surtout un véritable enthousiasme national. Ce fut tout de suite le pèlerinage français par excellence, parce que Childebert y vint, dès la troisième année, déposer en très grande pompe sa couronne royale au pied de l'archange. Les Leudes imitèrent en foule cet exemple, surtout après l'an 713, en laquelle le pape Constantin fit don à la collégiale de plusieurs reliques insignes. Ce temps de Saint-Aubert nous apparaît tout éclairé de lueurs surnaturelles, et il en est ainsi des années qui suivirent. Il semble que les esprits du ciel, soumis au prince des anges, soient en fête constante autour de son nouveau sanctuaire. Les pèlerins n'arrivent au mont qu'à travers des merveilles et tout le pays aux alentours est favorisé d'innombrables bénédictions. Les récits de l'époque et ceux qui furent écrits plus tard sont remplis de ces allégresses, mais dans nos jours à nous qui auraient si grand besoin de miracles, il est peut-être bon de n'en point trop parler. Les gens qui ne croient point y trouvent occasion de blasphémer ou de railler, les gens qui croient se méfient. Moi, je crois à la bonté infiniment tendre de Jésus. Je sais qu'il peut tout. Ma joie est de penser à la chère puissance de ses anges et de ses saints. Je regrette et j'envie la foi presque enfantine et toute imprégnée de suave poésie de ces temps heureux où le monde jeune, confiant, crédule même, se voyait grandir et en était reconnaissant, au lieu de racornir comme aujourd'hui dans l'arrière-boutique de l'examen la docte ignorance, l'expérience découragée et l'égoïsme caduque de sa vieillesse. mais j'ai l'âge d'être prudent, et c'est à peine si j'énumérerais, en courant, les manifestations auxquelles la tradition et les vieux chroniqueurs ont donné le nom de miracles. Guérison, sauvetage au péril de la mer et des grèves, mystérieuses harmonies qui éveillaient le silence des nuits dans la crypte solitaire, emplie tout à coup de clarté. Loin de garantir ces choses populaires, j'abrégerai le récit d'un fait mentionné par toutes les chroniques et qui est comme une parabole en action répétant l'enseignement de la légende du petit bain, dont le pied débile renversa l'obstacle que 12 mains robustes n'avaient pu ébranler. On dirait que cette vérité évangélique, la force de la faiblesse, hante la fondation de Saint-Aubert. Un jour, parmi les pèlerins, on vit arriver des hommes portant un costume étranger et dont personne ne comprenait le langage. Ils apportaient précieusement enveloppés un petit bouclier et une petite épée qui pouvaient être pris pour des jouets d'enfants. Un pèlerin de Corseux en armorique, dont le langage ressemblait à celui des étrangers, expliqua que l'ambassade venait d'Irlande, dont les lords avaient envoyé tant de saints au pays de Quimper et de Tréguier. Dans la partie la plus riche de cette île, un dragon était sorti de la mer et avait porté la désolation en tout lieu. Les fontaines où il buvait donnaient la mort aux hommes et aux troupeaux, et sa terrible haleine faisait de l'air même un poison. Après un jeûne de plusieurs jours, ordonné par l'évêque, toute la contrée se réunit en armes pour combattre le fléau. L'évêque marchait en tête de ses ouailles. Dès qu'on aperçut le monstre, on lui décocha une grêle de flèches, mais elle s'émoussait contre sa cuirasse, épaisse comme les murailles d'une tour. Ce que voyant, l'évêque implora Michel, prince des anges, vainqueur de Satan, prince des dragons, et le dragon, cessant de jeter feu et flamme, ne bougea plus. On approcha, le monstre était mort, bien qu'aucun dard n'eût entamé ses impénétrables écailles, mais sur son cadavre énorme, il y avait la petite épée et le bouclier, semblable à un jouet. Les chroniqueurs ajoutent que, dans un rêve, l'évêque fut avisé de rendre ses armes à leur maître légitime et qu'il dépêcha des émissaires au mont Gargan, demeure connue de Saint-Michel, mais leur barque, cinglant vers l'Italie, était obstinément refoulée par les vents sur la côte normande, où ils apprirent enfin que Saint-Michel avait aussi un mont et un sanctuaire. Baldric, archevêque de Dole au XIIe siècle et auteur d'une histoire de la première croisade, a laissé une savante dissertation sur ces armes mystiques qui furent déposées dans la crypte du Mont-Saint-Michel. 6. Cependant, la présence de l'ange gardien de l'Église dans son sanctuaire français portait déjà ses fruits, et le rôle de la France comme bras droit de l'Église se dessinait, non pas par ses rois condamnés, mais par les héritiers de Pépin d'Héristal, qui devaient être la race carlovingienne. Nul ne connaît le dessein de Dieu, mais l'Église épouse en a comme une conscience. Quand Boniface, le grand apôtre, sacré évêque, partit pour sa victorieuse mission d'Allemagne, le pape lui donna deux lettres de créance, l'une pour tous les chrétiens en général, l'autre pour un seul chrétien, et la suscription de cette seconde missive portait « Au Seigneur, notre glorieux fils, le duc Charles ». Ce duc Charles, fils du premier Pépin par sa femme Alpaïde, n'était hier qu'un captif, enfermé dans les prisons de Cologne. Aujourd'hui, à l'heure où le pontife suprême réclame son aide, c'est le vainqueur de Vinci et le vainqueur de Soissons. Il n'est pas roi, mais il fait des rois et les gouverne. Il a dans sa main la France, marteau d'or, déjà pesant et puissant. Il s'en sert pour forger sa destinée, qui est presque celle du monde. Demain, ce duc Charles, que le pape appelle son glorieux fils, prendra le nom de son marteau si sonore dans l'histoire. Il sera Charles Martel, après avoir martelé et broyé sur un champ de bataille qu'on a pu désigner nommément parce qu'il était trop vaste, l'armée ou plutôt les armées des conquérants sarrasins, déjà maîtres de toute l'Espagne et d'une partie de la France. Après Charles Martel, Pépin, qui commença en réalité la seconde race de nos rois, tint haut et ferme l'épée de Saint-Michel. Par deux fois, il passa les Alpes et remplit avec vigueur sa mission de bras droit de l'Église. L'archange restait muet derrière le voile parce que son œuvre éclatait assez d'elle-même dans les événements du dehors. Entre les mains de Charlemagne, en effet, le glaive confié à la France devient terrible, comme la foudre. mais il porte avec soi la lumière. Rien ne résiste à Charlemagne, ni l'hérésie, ni la barbarie. Il soumet les Aquitains, il dompte les Saxons, les Lombards, les Sarrasins d'Espagne, et quand le grand pape Léon III, dont il a brisé les fers, le couronne empereur à Rome, son empire qui est la France catholique s'étend de l'océan au mont Crapac, dans un sens, dans l'autre, de l'Èbre à la Baltique. Le grand et légitime empereur d'Occident, comme l'avait titré Léon dans la basilique de Saint-Pierre, n'ignorait pas le lien qui l'attachait à Saint-Michel, chevalier céleste de l'Église dont il était, lui, le terrestre champion. Les étendards de Charlemagne portaient l'image de Saint-Michel. L'empire de Charlemagne s'était fait la dernière année de ce siècle qui ouvrait l'ère prophétisée des 1000 ans, dont la clôture eut lieu 994 ans après par le meurtre de Louis XVI. Je ne suis pas de ceux qui nient la gloire humaine de la Révolution française, car tout incendie a ses fracas et ses lueurs. Il est certain que le monde nous écoute et nous regarde, mais Dieu aussi. Le regard de Dieu est le seul qui juge. Nous avons eu de grandes folies et de grandes victoires, de grands crimes et de grandes fortunes, surtout de grands ébranlements. Les hommes là-dedans semblent petits relativement aux choses. On ne voit dans la Révolution qu'un seul homme vraiment grand, et son rôle fut d'enrayer la Révolution sur la pente où elle roule fatalement. La mission d'en haut cependant lui manquait. Ce n'était que César, et non pas Charlemagne. Il n'eut la foi que pour mourir. Depuis Napoléon Bonaparte, la Révolution va de plus en plus hostile à Dieu, mais les hommes lui manquent toujours, et de plus en plus aussi. Il y a longtemps qu'elle n'a su trouver ce qu'il faut de chair et d'os pour fabriquer une gloire, ne pouvant plus y ajouter l'âme immortelle qu'elle a supprimée imprudemment, sous prétexte que le scandale fait du bruit comme la gloire et que les aveugles s'y trompent. Dieu est patient parce qu'il a l'éternité, mais il est juste infiniment et rien n'empêchera l'accomplissement de son dessein. Espérons et prions. J'ai vu Saint-Michel Archange debout à la garde du Sacré-Cœur de Jésus, au sommet de Montmartre. Il prie. À l'heure où nous sommes, l'enfant est né peut-être qui brandira dans l'avenir le glaive civilisateur de la France. Dieu Tout-Puissant, donnez-nous Charlemagne, que la France est une gloire, que cette gloire est une âme. 7. L'histoire est silencieuse à l'égard du mont jusqu'au moment des invasions régulières des hommes du Nord, les farouches Northmen, qui donnèrent plus tard leur nom à cette portion de la Neustrie, et dont les armées flottaient sur l'océan, leur patrie, semblables à des forêts peuplées de bêtes féroces. Dès le VIe siècle, les historiens francs parlent de leur dépradation sur nos côtes. Witikind, vaincu mais non soumis, réfugia chez eux sa vengeance, et Charlemagne fortifia contre ses côtes, prévoyant les dangers de l'avenir. En effet, bien peu de temps après sa mort, son fils, Louis le Débonnaire, payait rançon aux pirates au lieu de les combattre. Et 8 ans plus tard, il remontait la Seine jusqu'à Rouen. À partir de cette date, les ravages deviennent effroyables et s'étendent partout. Le chef Hastings, le plus mauvais homme qui jamais naquit, brûle les églises, détruit les monastères, profane les reliques et commet de hideux massacres. 2 sanctuaires seulement furent protégés par leur patron, celui du Grand Saint-Martin et le Mont Saint-Michel, qui était pourtant le plus exposé de tous. L'archange fit mieux que se protéger lui-même, les gens de la côte vinrent en foule chercher un abri autour de la collégiale. Et telle est, selon quelques auteurs, l'origine reculée de la petite ville du Mont, si bizarrement perchée sur les inégalités de l'ancienne tombe, et que Guillaume de Breton appelle Pandula Villa. Mais l'invasion normande allait influer de toute autre manière sur la fondation de Saint-Aubert. Après Hastings, Roland ou Rolf débarqua sur les côtes de France avec une flotte prêtée par les Anglais que les fils de ce même Roland, devenu français, devaient subjuguer 2 siècles plus tard. Roland prit terre à l'embouchure de la Seine, 876. Les Normands connaissaient Paris depuis 845, où la première rançon leur avait été payée par Charles le Chauve. Roland eut l'audace imitée depuis d'envoyer 200 cavaliers seulement à travers toute la Neustrie pour menacer Paris, et Charles le Chauve, habitué à capituler, capitula. Il ne faut point se hâter pourtant de sourire en demandant ce qu'était devenue l'œuvre de Charlemagne, ni de railler cette grande épée tutélaire de Saint-Michel confiée à la race du premier empereur français. Cherchez-vous la Providence ? Elle est proche. Ce barbare qui arrivait avait une main capable de tenir l'épée et il allait la tenir pendant son jour. Et c'était l'Angleterre qui prêtait à la France cette main virile, au moment où notre pays subissait une de ses plus désastreuses disettes d'hommes. Les vaisseaux anglais armés par la haine nous apportaient cette largesse inestimable, du sang neuf, du sang fauve, pareil à notre propre sang des jours de Clovis. Ce n'est pas le cas en vérité de méconnaître Dieu ni son ange. Charles le Simple, plus faible encore que ses devanciers, fit par sa faiblesse même une conquête que la vaillance d'un héros couronné n'eût peut-être point achevée si nettement. Il paya aux Normands une rançon exorbitante, c'est certain, mais ce fut comme un double cadeau de baptême et de mariage, car sa fille Gisèle épousa Roland qui devint chrétien. Dans l'apanage de Roland se trouvait le mont Saint-Michel. Quand nous avons dit tout à l'heure que la venue de ces barbares allait influer sur le destin de la collégiale déjà riche, on a pu penser à des exactions ou à des persécutions. Ce fut malheureusement tout le contraire, et la première fondation de Saint-Aubert, au lieu d'avoir cette belle fin du martyr, mourut d'opulence et d'orgueil. Il fallait cette mort qui fut une naissance pour amener dans la maison de l'archange la féconde, la puissante règle de Saint-Benoît, apportant avec soi le germe de grande piété, de savoir de génie qui, semé sur le rocher, y prendra racine et le couvrira d'une moisson de chefs-d'œuvre. Aussitôt baptisé, Roland, premier duc de Normandie, voulut expier ses anciens méfaits par des largesses distribuées aux églises et aux monastères. La collégiale eut part à ses générosités, son fils Guillaume Longue-Épée fut encore plus prodigue, et les chanoines, outre leurs trésors, eurent un patrimoine immense. La règle du saint fondateur s'était notablement relâchée aux jours troublés des invasions. Les chanoines avaient quitté l'habit religieux pour devenir soldats. Ils quittèrent l'habit de soldat pour se vêtir en opulents seigneurs qu'ils étaient. Plus de service au cœur, plus de louanges perpétuelles en l'honneur du patron angélique. Pour les offices indispensables, des chantres mercenaires furent gagés. Puis bientôt, comme il arrive toujours, dès que le prêtre tombe du sommet de grâce ou le sacrement d'ordre l'a élevé, la prévarication devint complète, publique, et une clameur de scandale couvrit la contrée. Richard sans peur, troisième duc, était pieux comme son père et comme son aïeul. Il était jeune, éclairé et ferme, il vénérait, il aimait le sanctuaire de l'archange et le considérait comme le plus glorieux fleuron de sa couronne. Il avisa. Les abbayes bénédictines édifiaient et enseignaient le siècle. Richard, qui avait non loin de Rouen sa capitale, des monastères comme Fontenelle, fondé par saint Vendry, et Jumièges par saint Philibert, songea tout d'abord au fils de Saint-Benoît pour restaurer en abbaye de cette règle illustre la collégiale déméritante et tombée. Ayant pris l'avis de ses évêques et obtenu l'agrément du pape et du roi, Lothaire, il rassembla à Avranches 30 religieux choisis avec soin dans les deux monastères que nous avons nommés à l'abbaye de Saint-Mélaine de Rennes et à Saint-Torrent d'Évreux. Puis il signifia aux chanoines coupables qu'ils eussent à réformer leur vie sur l'heure en entrant dans la discipline monastique ou à quitter la montagne. Ces malheureux étaient perdus à ce point qu'ils n'hésitèrent pas à consommer leur apostasie. Tous se retirèrent à l'exception de deux dont l'histoire a conservé les noms, Durand, qui était mu par un repentir sincère, et Bernerius, Bernier, qui restait avec la pensée de tenter une spéculation sacrilège en dérobant les restes vénérés de Saint-Aubert. Il est à peine besoin de dire que les clercs, en se retirant, vidèrent le trésor de la collégiale. Il y a peu d'exemples d'un traître à Dieu qui garde les mains nettes. Il faut toujours à Judas les 30 deniers. Dès que les clercs indignes furent partis, une procession monta la rampe escarpée qui conduit à la basilique, en chantant des hymnes derrière la bannière de l'archange. C'était, écrit le grand abbé Robert de Torigny, le duc Richard qui venait avec les prélats, les abbés et les grands de sa cour établir les moines. Ainsi tomba par un juste jugement la collégiale qui avait renié la sainte loi d'Aubert, son fondateur. Cela eut lieu en 966, 257 ans après le retour des clercs envoyés au Mont Gargan, et ainsi naquit la véritable abbaye du Mont Saint-Michel dont nous allons parcourir ensemble les splendeurs.